plus jolie que jamais. Sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics. Il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Toutes ses bontés passées, ses exploits, il compte comme un huissier qu'on lui doit. Ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. T'es plus jolie que jamais. Sauf le cœur, la nuit que je t'ai connue, t'étais nue, tu jouais les affranchis sans chichi, mais t'avais quand tu guettais le pauvre con qui te quittait, le regard noyé d'un chien. Ça va, ça vient. J'ai dit pour te consoler des conneries, t'as frotté ton petit nez et t'as ri, tu jouais les affranchis sans chichi. La nuit que je t'ai connu, t'étais nu, t'aimais pas un sou vaillant sauf ton corps, mais ton corps c'était payant. Un trésor que tu donnais comme on vide son porte-monnaie dans la main d'un plus paumé. Ça va, ça vient. Depuis tout ce qu'on s'est donné de bonheur, pour se le dire on se retenait la pudeur, mais ton corps c'était payant. Un trésor, t'aimais pas un sou vaillant sauf ton corps. T'es plus jolie que jamais. Sans le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics. Il ne dit plus aux copains, ça va, ça vient. Si tu le laissais réchapper du frigo, je saurais le rattraper tout de go. Même s'il n'a plus la chaleur que j'aimais, t'es plus joli que jamais.